J'étouffe ta poutre au bout de la corde. Depuis qu'elle est partie dans ma tête, c'est un désordre. Je sais ce que t'en penses, bon débarras. Mais malgré ce qu'elle me fait endurer, je me demande pas. Tu le sais, tu ce que tu veux, tu tournes en rond dans le cercle vicieux. Je le vois dans tes yeux. Quand tu danses au bout de ses mains, marionnette, un pantin, t'en vois plus la fin. Personne peut comprendre quand on est seul ensemble, la vie sans elle c'est lourd. Non, personne peut comprendre quand vous êtes seul ensemble, ça clash, c'est pas de l'amour. Malgré les downs, malgré les peines, j'te jure j'la sens, elle se promène dans mes veines. J'ai le goût de crier, puis de crier fort. C'est moi qui ai raison, tout le reste du monde a tort. Même si tu cries, elle entend rien. J'voudrais t'aider, j'te sens tellement loin. Chaque fois que tu cries un peu plus fort, tu réanimes quelque chose de déjà mort. Quand elle te chante son refrain, toi tu te rends compte de rien. Tout ça c'est malsain. Personne peut comprendre quand on est seul ensemble. La vie sans elle c'est lourd. Non, personne peut comprendre quand vous êtes seul ensemble. Ça clash, c'est pas de l'amour. J'm'haïs de l'aimer autant. J'la sens brûler par en dedans. T'attends de te rendre avant de te rendre à l'évidence. Dans ces moments-là où je la perds, tu la tailles, ça a pas de bon sens. Sans elle, je suis qui? Je suis à l'envers. C'est ta dernière larme. Avance par en avant. Par en avant. Par en avant. Sans elle, c'est lourd. Non, personne peut comprendre quand vous êtes seul ensemble. Ça clash, c'est pas de l'amour.